Mimi. Ta ta nano, la voiture pour aller boire l'apéro. Ta ta nano, ou bien pour aller manger au McDo. Ta ta nano, avec elle je fais le beau. Et puis je roule au moins à 35 km à l'heure. J'ai mis des tapis, des houstuling, des néons bleus, une sono, des autocollants, des phares xéon, un nouveau volant et du sang bon. Désormais toutes les filles de mon quartier sont à mes pieds pour pas que je vienne les chercher. Mimi. Ta ta nano, la voiture pour aller boire l'apéro. Ta ta nano, ou bien pour aller manger au McDo. Ta ta nano, avec elle je fais le beau. Et puis je me la pète dans ma belle pétrolette. Je la cajole et j'en raffole. Je perds la boussole dans cette bagnole. Je la nettoie pour qu'on la voie. Un coup de produit et c'est fini. Parfois des gonzesses montent avec moi. Elles sont un peu connes mais elles me payent mon pétrole. Mimi. Ta ta nano, la voiture pour aller boire l'apéro. Ta ta nano, ou bien pour aller manger au McDo. Ta ta nano, avec elle je fais le beau. Et puis je frime, sûr que les autres ont la déprime de ne pas avoir cette voiture absolument sublime. Allez, Oli.